Sais-tu bien que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle? Que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous? Vite, à souper! Fort bien. Canarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, dame! Ah oui, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous. Oh! Qu'en dis-tu? Rien, voilà le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Parle donc. Qu'as-tu là? Rien. Oh, pardon. C'est une flexion qui lui est tombée sur la joue. Vite, une lancette pour percer cela. Le pauvre garçon n'en a plus. C'est absolument dégoûté. Attends. Oh. Oh, voyez comme il est ému. Coquin que vous êtes. Ma foi, monsieur, je voulais m'assurer si votre cuisinier n'avait point mis trop de sel ou trop de poivre. Alors mettons-le à la table et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soupé. Tu as faim à ce que je vois? Je le crois bien, monsieur. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Tâtez donc de ceci, monsieur. Voilà qui est le meilleur du monde. Mon assiette. Mon assiette! Doudou, s'il vous plaît. Mon trouble, petit compère, que vous êtes habile à donner des assiettes nettes. Et mon petit la violette, que vous savez présenter à boire à propos. Il peut frapper de cette sorte. Qui diable peut nous venir troubler dans notre repas? Je veux souper en repos, moi. Et qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Mais qu'est-ce que c'est? Parle donc. Le... Il est là. Allons voir et montrons que rien ne saurait ébranler. Ah, pauvre Ganarelle, où te cacheras-tu?